Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur Sens, aujourd'hui avec Flavie. Flavie ? La pêche ! Pierre est avec nous également. La banane ! Thomas est avec nous. Ah, ça va. Ça va, la forme. Et avec nous, deux anciens, Sol de Vanne. Bonsoir. La pêche, la patate. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? D'accord. Eh ben moi, je suis maître de jeu à Sens depuis pas très longtemps, enfin dans la pratique. Ouais. Enfin, ça fait un peu plus d'un an que je potasse les bouquins. Oui, absolument. J'ai découvert ça parce que je suis étudiant en philo en fait, et puis un camarade rôliste m'a dit. Tiens, y a un mec sur Rennes, enfin qui vient de Rennes, qui sort un jeu de rôle. Oh là là. Sur le philo et... Il t'a dit que c'était nul. Oui, exactement, oui. Mais il avait tort. Ouais, tu as droit à quelques points d'immersion en plus. Ouais. Par contre, ton copain, tu lui diras qu'il a quelques points d'immersion négative. D'accord. Shadow est avec nous également. Bonsoir. Shadow, ça va ? Alors, très, très bien. Tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, mais qui vont apprendre à te connaître bientôt. Eh bien, je suis MJ de Sens sur Lyon. Sur Lyon, ouais. J'ai découvert Sens dans Jeux de rôle magazine, un article. D'accord, l'article de Lutin. On le salue au passage, ce qui est un très bon article. Tout à fait, ça nous a donné envie avec mes amis. Et ensuite, à Octogone, j'ai pu trouver donc, les deux fameux grimoires, ouais. Renaissance et Mort. D'accord. On s'y met rapidement et puis me voilà aujourd'hui. Ah bien, c'est nickel. Aujourd'hui, le thème, c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie de l'annoncer au début, hein. Bon, je l'annonce après la présentation cette fois-ci, c'est toi qui nous l'a inspiré, Shadow. Il s'agit de comment en fait un joueur peut-il profiter au mieux de ses parties de Sens. C'est un petit peu un thème parce que t'en avais marre qu'on réserve les podcasts au MJ. T'avais envie en gros que tes joueurs t'entendent te la péter sur le podcast de la cellule, c'est ça l'idée. Tout à fait, mais qui profitent aussi un petit peu de ces podcasts parce qu'ils sont tout le temps très intéressants. Ah merci, c'est bien. Encore des points d'immersion, voilà, c'est incroyable. C'est la douche. On avait déjà parlé d'être obséquieux. Alors, comment un joueur peut-il profiter au mieux de ses parties de Sens? Le thème avait l'air de te faire réagir à la base, Sol de Vanne. L'air de dire que t'avais un angle d'attaque sur ce podcast. Donc, s'il te plaît, aide-nous. Non, c'était plus sur l'idée en fait de comment jouer au mieux en fait. Enfin, c'était plus sur l'idée du joueur idéal. D'accord. Et son approche de son perso et du système en fait. Donc ça fait partie du thème bien sûr. Donc on dirait aussi comment s'éclater comment à Sens ouais. En tant que joueur. Alors toi, comment est-ce que tu t'éclatais à Sens en tant que joueur, cher Oula, Flavie ? vaste sujet. je pense déjà en tripant bien son perso à la base. C'est-à-dire ? La fiche de personnage. Bien la faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne fiche de personnage bien faite pour bien s'éclater dans Sens ? Déjà, quand tu dis qui tu es, parce qu'il y a cette partie-là au début, tu fais ta fiche qui dit qui tu es. Bien penser que tu vas utiliser tes points de cellulite à un moment ou à un autre. D'accord. Donc, ne pas oublier de dire qu'on est fan, par exemple, de Naruto pour pouvoir utiliser ses points de cellulite à un moment. Yorkaton ! Voilà, hein. Donc bien triper ça au début, ouais, c'est d'accord. Bien rigolo. Hein. Par exemple, avec Pierre, on avait fait un truc très rigolo. On avait dit qu'on était fan de Tengen Toppa Gurren Lagann pour coupler nos points de cellulite pour pouvoir faire l'alliance, pour pouvoir qu'il soit la tête du robot et moi le corps. Faire la fusion, quoi, la fameuse fusion. Déjà, c'est une bonne... Continue de lever le bras, s'il te plaît, Thomas, tu m'excites. C'est bien, tu es la statue de la liberté. C'est là qu'elle est morte. Il faut savoir que Thomas a le micro dressé comme le fameux... Ouais, je voulais juste revenir sur la fiche de perso. Ouais. En fait, pour avoir un bon perso, il faut avoir une grosse fiche plastique. Parce que vous allez retrouver avec plein de feuilles de personnages. Ça, parce qu'en évolution, vous allez avoir d'abord un premier système, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et à la fin, ça vous fait un pavé, quoi. Ouais, ça, c'est hommage aux playtesteurs de Sens qui en ont chié. Hein. C'est ça l'histoire. Non, mais par contre, l'idée de la fiche plastique, c'est pas mal. Puisque à la fin de chaque scénar, tu écris tes faits et qu'au bout d'un moment, on n'aura plus assez de place sur la fiche de perso. Donc, c'est bien de prévoir une petite fiche plastique. Oui, quand même. Mais bon, ça, c'est le point de vue matériel. Voilà. Mais voilà. Ça sert de savoir comment bien jouer pratiquement, techniquement. Puis, quand on a bien trippé ses faits de cellulite, ensuite, penser à quel personnage on veut jouer. Et à partir de là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'un personnage qui peut te faire triper dans l'univers de Sens, selon toi, Faye ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme perso pour avoir des chances ? Respecter l'univers du jeu. Respecter la couleur du jeu, tu veux dire ? Oui, peut-être, ouais. Parce que si je joue une vendeuse de légumes... avec ouais, Thomas. Moi, je voulais dire, en fait, sur le type de personnage, je pense que les types de personnages les plus intéressants, bah, vous me direz, vous. Ceux de Van et Shadow. Voilà. Ce que vous en pensez, mais je pense qu'en fait, les personnages qui marchent bien, c'est le combattant, donc le gros militaire. Ouais. Ça reste quand même très bien pour évoluer dans l'univers du jeu. Ah, ça peut-être correspond. Un petit peu pour débuter aussi dans l'univers du jeu. Ah là là, moi, je parle vraiment pour le début. Pour, ouais. Pour débuter. Le scientifique. Ouais. C'est quand même important. Après, ça va être pas mal un système de, un peu médecin. Parce que ça peut toujours être pratique. En fait, en gros, faut favoriser à chaque fois une rune. Voilà, tu prends une rune, tu essaies de trouver le métier le plus dominant. C'est bien avoir dans une équipe et on est sûr que ça va permettre en fait d'interagir avec l'univers et de pouvoir triper avec l'histoire. Ouais, c'est clair. Donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport en MJ. Est-ce que vous avez eu par exemple des... Non, j'ai pas du tout fait ça. D'accord. Moi, en fait, ils ont quasiment réfléchi chacun de leur côté à leur BG. Moi, ce que j'aurais vraiment dit, c'est pour vraiment s'immerger dans la partie, avoir des points d'immersion et véritablement triper, essayez de vous réfléchir vous-même en termes de runes et après de projeter un personnage qui ressemble vachement. C'est-à-dire moi par exemple, je suis quelqu'un d'atrocement cosmo, jouer quelqu'un avec KO à 40, pour moi c'est impossible. D'ailleurs je galère à mort pour Wilfried. Ouais. Tu favoriseras en fait l'immersion en rapprochant un maximum le personnage du joueur qui l'interprète. Ouais, voilà. Moi, je les ai pris chacun de leur côté. Flavie, tu voulais réagir ? Pas toujours vrai, parce que moi, j'ai trippé Lina de Kali, qui est, je pense, l'extrême inverse de ce que moi, je suis. C'est pas, une non. nana cosmo, tout ça. Et, ouais, bah, si, je suis pas comme ça. Tu l'as joué très peu cosmo, au final. Bah, parce que je suis quelqu'un de chaotique, voilà. Mais au final, ça m'a pas empêché de jouer quand même quelqu'un de cosmo et qui faisait des scientifiques, etc. Et ça allait, quoi. Ouais. Bon, après, ouais. Alors, Shadow, tu voulais dire quelque chose. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du jeu avant même de créer les personnages. Ouais. Du coup, tous mes joueurs ont fait des simulacres qui ressemblent beaucoup, qui leur ressemblent beaucoup, en fait. Ouais, d'accord. Instinctivement, ils ont préféré, jouer des personnages qu'ils savaient donc faire. Donc, tu suis la ligne, finalement, de Soldevan quand il dit qu'il faut faire un personnage qui te ressemble un peu, quoi. Je pense que c'est plus facile, mais après, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Alors, j'aurais juste une question. Tes joueurs, c'était des vieux rôlistes, c'était leur première partie. Alors justement, on va en parler. Alors, c'est des joueurs qui ont déjà fait pas mal de jeux de rôle. Des vieux briscards, j'irais pas jusque-là, mais ils connaissent jouer. Voilà. Tu penses qu'ils ont plutôt pris des choses qui leur correspondaient ou plutôt ils ont pris l'habitude de jouer. Moi, j'ai l'habitude de jouer un bourrin, donc j'ai joué un bourrin dans ce jeu-là. Eh bien, en fait, il y a deux choses différentes. Shadow. Ils ont le background, un background, comment dire. Donc, c'était en termes de background, tu veux dire les jeux auxquels ils ont joué avant. Voilà, ils ont des archétypes, mais c'était vraiment pour faciliter le jeu. Effectivement, un soldat, un médic, un scientifique. Mais le background est assez détaché, finalement, de l'archétype. Il est plus creusé. Moi, je pense qu'avant tout... Thomas, tu voulais réagir. Je voulais dire, c'est que justement, ça m'a fait réagir ce que tu viens de dire. C'est vrai que moi, j'ai le souvenir que le jour où on est passé à un système de faits, en tant que joueur, c'est la première fois que j'avais un jeu comme et j'avais ce procédé, moi je prends un archétype mais il faut que je fasse des faits en plus. Et quelque part c'est vrai que c'est un peu bloquant, et l'idée de l'archétype quand on a la base, c'est on va commencer à noter quelque chose par rapport à l'archétype. Et moi je me souviens qu'un des premiers trucs qu'on fait dans ces cas là c'est qu'on prend des compétences qu'on connaît, qu'on a vu dans d'autres jeux de rôle, genre si tu veux faire un médecin, médecine, chirurgie, etc, et aller noter comme sous la forme de faits, genre je suis chirurgien, je suis médecin, etc. Donc, mais bon, ça, à mon avis, c'est pas une très très bonne manière de si on veut triper dans le sens, c'est pas forcément une bonne manière de faire, à mon avis. Mais ce que je voulais surtout dire par rapport à ça, c'est que même si je fais un archétype, par exemple, médecin, avec l'avantage, c'est que le médecin, c'est pas un médecin classique qu'on va te proposer dans une base. C'est le médecin que tu veux. Que tu veux, ça veut être un médecin et un boxeur, quoi. Voilà. Shadow. Oui, en fait, mes joueurs ont fait un choix différent. Ils ont d'abord travaillé leur background. Et les faits, leurs runes ont été ce qu'elles ont été avec le background. D'accord. Et ensuite, on développait justement les blocs de resplioïdes en fonction de l'archétype plutôt. D'accord, ok. Voilà. Il y a quelque chose que tu me disais qui était intéressant en préparation du podcast, c'est que tu disais que tes joueurs, de par leur passé rôliste et leur expérience de jeu de rôle précédent, avaient du mal à être créatifs. Est-ce que quelque part, non, attention, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ne pas pouvoir, attention, hein, c'est pas du tout péjoratif, ça peut même être un défaut du jeu en fait, parce que c'est peut-être mon jeu qui est trop écrasant et qui du coup empêche les joueurs de se développer de la créativité. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient pas forcément des joueurs. Attention, hein. je l'entends. Est-ce que justement, il n'y a pas un moyen, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un moyen de favoriser la créativité de ces joueurs ? Est-ce que tu n'en as pas trouvé un ? Comment est-ce que tu fais pour... En fait, c'est vrai qu'ils sont créatifs dans d'autres jeux de rôle, pas beaucoup. Et quand on a commencé à jouer à Sens, c'est peut-être de ma faute, je leur ai mis un peu la pression, attention, c'est un jeu où on va peut-être découvrir d'autres choses. Attention à ton micro. Ouais. Pardon. Donc c'est un jeu un petit peu nouveau, particulier, on va jouer un jeu pour adultes. Enfin, nous, c'est l'expression qu'on a utilisée pour ce jeu. D'accord. Et du coup, ils se sont peut-être mis la pression. Et, et du coup, ça les a un peu moins de fun peut-être. Ouais. Un peu plus d'investissement personnel et de plaisir, hein, mais différent, et du coup moins de créativité. Ils ont besoin un petit peu de temps, je pense, pour. Parce que tu me disais qu'en fait, c'est pas tellement qu'ils manquent de créativité en tant que personne, j'entends bien sûr. Hein, c'est pour ça que c'est pas un défaut. C'est qu'ils ne savent pas où investir leur créativité dans le jeu. Est-ce que c'est dans le minimaxage, c'est-à-dire est-ce que c'est dans l'optimisation de son personnage, est-ce que c'est dans la création de l'histoire, etc., etc. C'était ça vraiment le problème, c'est qu'ils savaient pas où s'investir. Voilà, et du coup ils sont un petit peu effrayés d'être punis, quoi. Bah, mais moi ça me fait penser à quelque chose qui est vraiment important, je pense, dans Sens, et qui est assez vrai avec ce que tu viens de dire, c'est que Sens c'est un jeu dans lequel on s'investit de plus en plus. Mais c'est vrai de pas mal de jeux de rôle. Au final, quand on commence à jouer son personnage dans n'importe quel jeu, on sait pas trop comment on va le jouer, etc. C'est vrai aussi dans Sens. Sauf que dans Sens, il y a les faits qui sont au début assez contraignants. Mais au final, certains faits peuvent évoluer, etc. On s'investit de plus en plus dans Sens, puisque c'est nous qui créons l'histoire à chaque fois et qui voyons ce qu'on va retenir des personnages. Donc le fait d'avoir un petit problème, entre guillemets, de création au début, de savoir ce qu'on va mettre ou pas dans les faits, n'est pas vraiment un problème. Je pense que ça va avec le jeu. Tu veux dire qu'au début, il faut être peut-être un petit peu plus passif et qu'au fur et à mesure... Vas te mettre de plus en plus dans ton personnage. Je pense que c'est ça aussi le système de l'immersion. C'est que plus ça va aller, plus tu vas être immergé dans le jeu. Ouais, d'accord. Pierre, moi je me souviens que tu avais un personnage, donc le personnage d'Anastas, sur lequel tu t'étais beaucoup investi. Oui. Et souvent tu le prends en exemple, tu dis putain, ça c'était un personnage, j'ai adoré jouer. Oui. Qu'est-ce qui était réussi dans ce personnage pour Sens ? Qu'est-ce que tu penses qui a fait la magie du truc ? Vis-à-vis de toi aussi, hein, est-ce que c'était un personnage avec qui tu avais une sensibilité ? Bon, c'était mon troisième personnage dans Sens. Ouais, donc déjà il y avait de l'expérience. Donc déjà j'avais de l'expérience et de l'habitude de créer un personnage. Ouais. Et puis. J'avais décidé de totalement triper sur le physique et sur son background, faire un personnage qui sortait de l'ordinaire. Ouais. Et après, pouvoir ne pas se sentir obligé de modifier son personnage, le faire évoluer vers quelque chose qu'on n'espérait pas au début. Ne pas faire ça, ça m'a libéré. J'ai pu jouer pleinement mon personnage, l'améliorer dans exactement là où je voulais améliorer mon personnage, et j'ai même pu le changer totalement de type. Il a même pu devenir un autre archétype de perso. Mais voilà. En fait, le truc, c'est est-ce que tu trouves pas justement que cette expérience que t'as eue avec tes autres personnages t'en ont appris plus sur la couleur du jeu, et tu t'es dit vu la nature du jeu, je sais qu'on va pouvoir triper sur tel aspect, Si, totalement. Totalement. Donc, j'aurais pas fait un personnage comme ça dès le début. Donc là, on arrive à un problème, à mon avis, pour le jeu, qui est que la base n'est peut-être pas assez claire sur la manière dont les joueurs vont pouvoir être créatifs, justement. Tu vois, Shadow, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à tes joueurs, c'est que le problème, il vient peut-être pas d'eux. Il vient peut-être de la façon dont le jeu est présenté, etc. Peut-être que la base n'est pas assez bien faite sur ce qui est, et ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire, je sais très bien ce que je dis, parce que c'est un des défauts qui m'a été reproché par des spécialistes de game design sur Silent Drift, c'est que le problème, c'est qu'on ne dit pas assez dans quel sens est-ce qu'on va créer de la fiction avec Sens. L'immersion, en fait, on aurait dû peut-être plus préciser quand on gagne des points d'immersion et pourquoi en termes de créativité, quoi. Est-ce que c'est en créant des décors, par exemple ? Par exemple, son propre lieu. Toi, par exemple, Soldavan, dans tes parties, est-ce que tu donnes la possibilité à tes joueurs de décrire la pièce dans laquelle ils sont, leurs amis ? Est-ce que tu leur laisses la liberté sur ces PNJ qui sont importants pour eux ? Oui, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai un de mes PJ qui a choisi de partir directement avec un fait qui est sa copine, qui est un personnage qui va graviter... qui gravite déjà autour d'eux dans Renaissance, mais qui va graviter aussi autour d'eux dans Mort. Longtemps, je sais pas. Donc, ça dépendra d'eux. Justement, bonne question. Est-ce que cette copine en question, donc personnage qu'il a créé, est-ce que tu lui laisses la liberté sur son destin, ou est-ce que toi, en tant que maître de jeu, tu influences en fait ce personnage et tu sais comment il... Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est-à-dire en gros, par exemple... Vous dessinez ensemble ? Non, c'est pas tant ça. C'est plutôt une espèce de petit duel entre nous. en tant que maître de jeu, maître de jeu, l'appelle comme ça. Je peux tout à fait en fait lui faire passer un train dessus pendant qu'elle est partie chercher des œufs. Ouais. En soi-même, c'est pas intéressant. C'est beaucoup plus une espèce de duel entre lui et moi, entre du situationnel. C'est pas amusant si la fin est déjà connue. D'accord, ok. Donc il y a quand même ce conflit autour de ce personnage, quoi. Ça oui, qui aura l'autorité dessus, quoi. En fait. Oui. Donc ça, est-ce que c'est pas un premier conseil qu'on peut donner aux joueurs dans la création du personnage pour bien profiter de leur perso, que de créer des PNJ auxquels ils seront attachés? Alors, pas forcément frères et sœurs, parce que ça pose problème dans l'univers de sens, mais des amis, des mentors, au pôle sud, ce genre de choses. Shadow, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça serait très intéressant, puisque les liens sont très importants dans le sens. Oui, après, et par la suite. Et même, mes joueurs ont écrit beaucoup de faits liés à eux-mêmes. Très peu sur leur environnement. Et je leur ai demandé récemment d'écrire au moins un fait sur leur mentor. Donc que ce soit Maria Gridway, Gladius Ward, peu importe, justement pour renforcer les liens, parce que je trouvais qu'ils se détachaient, beaucoup trop du Conseil, de la Résistance, du Pôle Sud, etc. Et du coup, on perdait quelque chose. D'accord. Donc je pense qu'il est important de mettre des faits sur l'environnement, pas que sur le personnage. Enfin, pas que sur le simulacre. Alors, deuxième élément, et donc on voit, enfin, là en fait, là, je suis en train de vous décrire ni plus ni moins les ajouts que j'ai fait dans Sens Mort. Hein. C'est les objectifs. On en parlait aussi en préparation du podcast avec toi, Shadow. Est-ce que tu trouves pas qu'un objectif pour les personnages, en fait, trois objectifs. Donc, dans Sens Mort, on propose objectif pour soi-même, objectif pour le monde et objectif pour un groupe particulier, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, des faits. Sous cette forme-là, ça permet aussi de motiver le joueur à créer quelque chose. Je me souviens d'un excellent playtest qu'on a fait avec Bobo, c'est dommage, il n'est pas là pour en témoigner, où il avait mis son personnage, l'objectif de son personnage, c'était de se marier avec une terrienne, alors qu'il partait pour effectuer certaines missions. Et donc c'était intéressant de le voir en fait à côté, si j'ose dire, de l'histoire principale du jeu, construire son personnage autour de cet objectif-là. À mon avis, ça peut être une bonne solution pour pousser les joueurs à aller dans le bon sens en termes de créativité, si j'ose dire. Shadow, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as appliqué ça à ta table ou pas du tout? Les objectifs, je ne l'ai pas encore appliqué. D'accord. Et j'ai fait peu de scénarios en tête-à-tête. Ouais. Et justement parce qu'il me manquait des liens avec d'autres personnages. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que si on crée plus de liens, c'est plus facile après de faire des scénarios en tête-à-tête, tout bêtement. Donc voilà, déjà au niveau de la créativité, pour profiter au maximum du jeu, je pense que les objectifs, les lieux qui nous sont chers et les personnages, c'est déjà pas mal. Non? Ou est-ce que vous voyez d'autres idées ou pas? Flavie? Non, moi c'était juste pour réagir sur un truc que tu as dit, c'est en disant les frères et les sœurs, c'est un peu compliqué. Ben, pas forcément, ça peut être justement un bon objectif. Genre je recherche mon frère et mes sœurs, je suis persuadée qu'ils sont encore en vie. Ouais, d'accord. Okay. Je vois pas en quoi ça peut être vraiment un truc... Moi je voyais les bugs orphelins et familialement totalement dépourvus. Ouais, mais ils peuvent retrouver quelqu'un. Oui, je vois pas en quoi c'est pourquoi vraiment pas, une pourquoi limitation. Pourquoi pas, oui, non, tu as raison. Sans parler de le retrouver, hein, ils peuvent très bien avoir une grande sœur en soi. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. C'est et vrai. Alors, être orphelin, c'est orphelin de parents. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils mais ont. Mais moi, ça me dérange parce que ça veut dire que la grande sœur, elle pourra témoigner d'événements par rapport aux parents. Elle pourra raconter comment étaient les parents, etc. Et c'est... Tu vois, ça anticipe un petit... Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Non, là-dessus, non, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Non, je crois pas que ça puisse marcher. T'en as déjà un qui a ça? Non, j'ai pas cette situation, mais bon, je veux peut-être pas dire trop de choses. D'accord, ok. Bon, bref, de toute façon, c'est intéressant. Je voulais revenir en fait sur les objectifs. Moi, je sais que j'ai joué à Sens au départ sans les objectifs. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à la description que tu m'as donnée, notre table, c'était plutôt détaché de l'environnement. Malgré que tu vois que chacun on avait notre propre histoire, la résistance, on s'en foutait un peu. On avait surtout notre groupe. C'est ce qui était le plus important. Ouais, et ça m'a pas planté, je trouve, en fait, l'immersion. Le fait de pas forcément interagir avec l'entourage, dire m'accrocher à un PNJ particulier. Non, c'est en fait l'avantage que vous aviez, c'est que vous connaissiez bien l'univers, quoi. Donc les objectifs, vous les êtes créés sans avoir besoin de les noter forcément sur la fiche de personnage. Mais dans un système, il faut quand on transmet le jeu à quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que nous on jouait ensemble, donc on avait des habitudes. Quand on transmet le jeu à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est quelque chose qu'il faut bien préciser, quoi, dans ta base. C'est ça le truc, quoi, en fait. Et ça a peut-être pas été assez précisé dans Sens Renaissance. Renaissance. Dans le sens sport, c'est bien rappelé, mais dans le sens Renaissance, ça peut-être pas. Donc en gros, les joueurs qui écoutent, vous allez voir votre MJ, vous dites, tu mets les objectifs en place, et ce qui paraît, c'est mieux. Ouais, voilà, ou au moins quelques-uns, quoi. Flavie. Et je pense que dans tous les cas, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de triper même des trucs qui ne sont pas du tout prévus par le MJ ou la base. Genre décider qu'on va mettre en place une secte religieuse ou décider ça a été fait à la potage, oui, décider qu'on va triper sur plein d'autres choses et demander moi je sais que je me ramenais souvent avec des feuilles remplies de ce que j'avais fait hors scénar, tout à fait, qui étaient des créations que j'avais faites ou des choses que j'avais fait avec des copains Donc ça justement c'est ça, tu vois, par exemple typiquement ça c'est la créativité que tu laisses par exemple tu vas avoir des maîtres de jeu qui vont refuser que les joueurs fassent ça, qui vont dire non tu peux pas exercer ta créativité là-dedans parce que non tu vas pas créer de vaisseau ou je sais pas quoi, enfin tu vois ce que je veux dire, donc ça c'est pareil, jusqu'où est-ce qu'on laisse les joueurs, mais je pense que dans ce sens c'est important de laisser faire ça. Exactement. Parce que je pense que dans ce sens c'est les joueurs qui vont créer au fur et à mesure l'univers. Exactement, je pense que c'est très important. Ouais, tout à fait, je pense que c'est très moi important. Par exemple j'avais créé un moyen pour tricher qui m'avait été autorisé. Ouais. Et voilà, parce que j'avais passé du temps dessus, je ramenais sans arrêt des trucs comme quoi j'avais travaillé sur telle chose, je ramenais des dessins qui expliquaient comment c'était fait et tout. Une bonne manière de résumer ça, la cohérence, c'est la cohérence. La cohérence, la cohérence, la cohérence. C'est tant que vous créez des choses cohérentes avec la couleur du jeu, avec l'univers du jeu, vous avez le droit de les créer. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Il faut juste pas que ça rentre en contradiction avec l'univers du jeu. Tant que c'est cohérent, ça passe. Nickel. Mais bon. Maintenant, voilà, ça c'est le côté création du perso, créativité, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur cet aspect-là ? Ou est-ce qu'on a fait le tour en termes de créativité personnelle ? Thomas ? Je pense qu'au niveau créativité, pour aider les joueurs qui ont effectivement un petit peu de mal à se mettre à sens, je pense que c'est déjà bien suffisant. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Bon, franchement, pas mal. Est-ce que tu as des conseils, Tom, toi qui as eu des difficultés là-dessus, justement, pour la création des faits ? Pour la création des faits, comme j'expliquais tout à l'heure, faut penser un peu à un archétype, et puis on note, quoi. Moi, je dis que c'est important de mettre des faits psychologiques. Genre, j'ai tendance à rentrer en colère pour telle ou telle raison. Alors, ça peut aider, je pense, quand tu as l'habitude d'interpréter un personnage. Après, quand t'as pas trop l'habitude, je pense qu'il faut vraiment partir sur du basique. Les faits, de toute façon, vous en rajoutez au fur et à mesure dans le jeu. Ouais. Donc, c'est à partir de là, autant partir un peu sur une page, on va dire, quasi vierge. Ouais. T'as juste les contours du bonhomme et au fur et à mesure, t'améliores le dessin, quoi. En tout cas, mon personnage, il a évolué comme ça, hein. Bon, il a commencé, tu vois, en tant que T-Bone, j'ai dit, tiens, je vais faire un bourrin, hop, je suis un bourrin. Et au fur et à mesure, j'ai avancé, je suis devenu protecteur. Donc, vraiment, au départ, quelqu'un de très fort en death, et maintenant, beaucoup en vie, quoi. Ça me fait penser, moi, à un truc que j'ai souvent entendu par des gens qui jouaient, et qu'on a déjà dit dans d'autres podcasts, mais il se trouve que celui-là, c'est les joueurs qui pourront l'écouter, donc je le précise. C'est pas parce que vous avez beaucoup en death que vous pouvez pas être quelqu'un de joyeux, par exemple. Ouais. C'est pas parce que vous êtes fort en live que vous pourrez pas tuer quelqu'un. Ah oui, voilà. C'est-à-dire qu'on peut mettre, on noie par exemple, on fait un océan de faits qui implique la rune de mort, enfin qui semble susciter la rune de mort. Et entre les deux, on met, mais j'ai le rire facile, par exemple, ou je sais pas quoi. C'est ça qui est. Ouais, c'est Bobo qui précisait ça dans le podcast sur. Et là, j'incite les joueurs à l'écouter parce qu'il y a pas de spoiler dedans. C'est le podcast sur le système. Sur le système de jeu. Qui les runes, il y en a plein de spoilers. Mais sur le podcast, tout simplement sur le système de jeu, la fiche de personnage, le deuxième podcast, qui est à mon avis est audible et où on donne aussi des petits conseils. Parce qu'à mon avis, la base, avant de créer, d'écrire les faits, c'est d'abord de bien avoir à l'esprit les runes. Donc il faut d'abord bien, en tant que maître de jeu, lire à ses joueurs ce que sont les runes, l'interprétation que Sens donne dans la base des runes. Ça, c'est, à mon avis, c'est important. Et à partir de là, en fait, les joueurs peuvent se construire autour d'une rune ou dessiner, voir un petit peu les archétypes qui s'en dégagent aussi. Je pense que c'est important. D'autant plus que dans la base, on a des archétypes liés aux runes par le biais des notes de bas de page. On a la psychologie associée aux runes. On a tout, en fait. Tout ce qui est nécessaire pour la fiche de perso. Donc voilà, à mon avis, ça déjà, on a fait bien le tour. Maintenant, je voudrais vous poser une petite question pour rebondir encore. Vous, le sujet, c'est vous qui l'avez déterminé. Vous parlez de profiter au mieux d'une partie de sens, s'éclater, tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire s'éclater quand on joue à sens ? Bien se marrer. Super. Si tu commences à bien te marrer dans une partie de sens, tu perds de l'immersion. Oui, bon. Alors, moi, j'entends, mais bon, j'ai jamais fait de. Comment dire, de mystère sur ma façon de jouer. Je suis à fond dans le personnage, peut-être même des fois un peu trop. Justement, quitte à faire des trucs qui pourrais tuer mon perso, mais si c'est logique avec mon personnage, ben je le fais. Je fais tout dans la cohérence. Voilà. Donc justement, c'est pas, tu rigoles pas quand tu joues à Sens, quoi. Non, mais si c'est bien. Shadow, j'ai trépigné sur ta tête. La chaise là. Tu disais oui, si tu t'amuses, enfin si tu rigoles, tu vas prendre des points d'immersion négatives. Ouais. Et c'est ce qui fait peur à mes joueurs en fait. Ils arrivent, ils sont un peu bridés, un peu trop. Ils n'arrivent pas à jouer complètement. Parce que ils ont l'impression que si leur personnage, enfin si leur simulacre s'amuse, Thomas, tu... ils sont plus dans la couleur du jeu. Alors, et okay, du coup, ils se limitent eux-mêmes. Alors qu'il faudrait leur dire l'inverse. Vos personnages, enfin vos simulacres, ils ont le droit aussi de rire un petit peu. C'est pas parce que le monde est complètement détruit. Thomas. Alors, d'abord, je vais juste rebondir à ce qu'il vient de dire. Ouais. Je te l'autorise. Généralement, en fait, enfin nous, en tout cas, quand ça fait des on perd des points d'immersion, c'est que la blague qu'on vient de faire, techniquement, le bug peut pas le faire. Genre, tu rentres dans un bar et là, t'as un de tes joueurs qui fait Cosette. On l'a déjà entendu, ça. Voilà, pour un petit rappel. Donc, voilà, je veux dire, ça, c'est immersion négative. Après, maintenant, tu fais une blague dans l'univers, ça. Mais justement, une petite astuce, bah, je trouve, pour tes joueurs, c'est que, effectivement, c'est vrai que faire des blagues, c'est perdre tu perds des points d'immersion. Ça fait partie du système. Nous, comment on jouait, c'est qu'on gagnait quand même pas mal d'immersion positive. Donc, on l'essaie. Dès qu'on commençait à avoir un gros pool, on se dit, bon, allez, on fait une grosse blague. Et naturellement, tu regardes le MJ, tu mets déjà tes points d'immersion négatif. De toute façon. En fait, le truc, c'est que, par rigoler, en fait, il faut pas sous-entendre ne pas profiter de sa partie. C'est-à-dire, par exemple, si tu rigoles parce que tu trouves que la scène est amusante, c'est-à-dire que si tu juges que c'est le joueur qui, en tant que joueur, en tant que spectateur, réagit, ça veut dire qu'il est bien dedans. Techniquement. Et donc, il gagne des points d'immersion. Si, rigoler, quand, par exemple, imagine, par exemple, le personnage de Fly fait un truc extravagant, en tant que joueur, ça te fait rire. Mais le personnage que tu interprètes ne rigole pas. Si, en tant que joueur, tu rigoles à la réaction de ce que vient de faire Fly, ça rentre pas en contradiction avec l'immersion. Ça veut dire que t'es bien dedans. Et c'est là que c'est un petit peu pervers. C'est-à-dire que, mais par contre, si tu rigoles parce qu'il y a quelqu'un, genre, qui a fait une blague qui a rien à voir, effectivement, avec le jeu, et clairement, il casse l'ambiance, là, il gagne pas de points d'immersion. Donc, il y a rigoler, si tu vois ce que je veux dire. Il y a faire le mariole et être totalement à côté de la plaque et ensuite rigoler parce qu'on est dedans. Flavie. Mais je pense aussi que c'est important, du coup, pour les joueurs de demander au MJ de faire des moments entre eux. C'est-à-dire des moments où on va pouvoir développer la team, entre guillemets, autour d'une table en train de bouffer ou des trucs comme ça pour développer des blagues autour de la table, mais entre joueurs. Enfin, entre personnages, par exemple, des petits trucs. Oh, de toute façon, toi, tu fais toujours ça avec ton flingue ou des trucs comme ça. Et je pense que du coup, ça pourrait développer un système de blagues, de private joke à l'intérieur des personnages qui, du coup, pourrait leur permettre aussi de se défouler un peu. Non, ça peut être une idée, effectivement. Mais de toute façon, faut faire des pauses, hein. Ça, c'est important, déjà. Mais par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence, Shadow, ou pas? C'est tout à fait. Alors, qu'est-ce qui débloque? Est-ce que c'est le fait de rire? Non, ils aiment bien faire des à côté du scénar. Eh bien, je lisais sur le forum, ouais. Silent Drift, justement, un rapport de partie de chemise. Ouais. Il disait que sa deuxième table était un peu plus déjantée que sa première table. Ouais. Et justement, il parlait d'une scène, où ils doivent garder une dalle de béton et puis un des simulacres va vendre plus ou moins un rendez-vous avec un militaire de son compagnon. Enfin, je m'exprime très mal. Je comprends toujours pas la situation. Voilà, en fait, ils sont une équipe de simulacres. Il y a une demoiselle dans l'équipe, ouais. Et ils doivent surveiller une dalle de béton. Et il y a un des protagonistes qui va voir un militaire en lui disant « Si tu surveilles la dalle de béton, je t'arrange un rendez-vous avec la demoiselle qui est là-bas, qui n'était pas d'accord. Au courant. » Ça a commencé à partir un petit peu dans tous les sens. Ils se sont amusés. Mais les simulacres se sont amusés. D'accord. Voilà. Du coup, donc, les joueurs aussi. D'accord. Ben, mes joueurs n'osent pas créer ce genre de situation qui va déclencher... le rire chez eux. Voilà. D'accord. Alors, ils n'osent pas faire de situation, justement, comme je disais, fantasque. Je pense que la réponse, elle est là. C'est que si vous rigolez parce que la scène, en tant que spectateur, vous fait rire, c'est que vous êtes immergé. En fait, c'est ça, c'est le vrai problème, c'est l'immersion. Moi, j'ai juste un truc à répondre à ça, parce qu'on a souvent dit ça avec Ced, et donc je vais le dire, parce que c'est comme ça qu'on... Nous, on voyait le système comme un moyen pour tricher et faire chier le maître de jeu. C'est, faire chier le maître de jeu. Voilà, faire chier le maître de jeu, c'est rigolo. Donc, tu gagnes de l'immersion, pour ensuite faire chier le maître de jeu en faisant une preuve de jeu qui l'emmerde, quoi. C'est ça ton but en tant que joueur, c'est de faire chier le maître de jeu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point. Et c'est pas uniquement parce que je suis maître de jeu. Je pense que même l'effet de cellulis, en fait, si tu veux vraiment profiter à fond de sens, il faut que même l'effet de cellulis, tu sois pas contre ton maître de jeu, mais qu'il serve à créer de l'histoire, à créer des choses intéressantes. Dans ce sens, on ne joue pas contre le maître de jeu. Ou alors, c'est tout contre. Mais le but du maître de jeu dans ce sens, c'est quand même de guider. Donc ça ne doit pas être une sanction. Là aussi, encore une fois, pour bien profiter d'une partie de sens, à mon avis, quand on est joueur, il faut aussi que le maître de jeu garde bien à l'esprit ce que c'est que de faire vivre une partie de sens à ses joueurs. Le maître de jeu, c'est un guide. C'est un guide. Il ne doit pas piéger. Donc dire que les joueurs, faire des choses amusantes et étonnantes, etc., mais qui créent de la fiction et qui créent des choses intéressantes avec l'effet de cellulis, ça, c'est bien. Mais aller dire juste que c'est pour pourrir le scénar du MJ... Ah, c'est pas pour pourrir le scénar, mais juste ça nous permettait de faire des petites blagues hors propos. Oui, et voilà, ça permettait aussi de lâcher quelque part une soupape. Ouais, ça, c'est vrai. C'est ce qu'il disait, accumuler des points d'immersion positifs pour pouvoir, de temps en temps, craquer un coup. Seul de vanne. Toi, tu avais l'air de réagir pareil au propos de Faye en disant non, je suis pas d'accord. Pas du tout, non ? Je sais pas si le but, c'est vraiment d'emmerder le maître de jeu. Moi, je vois plus ça comme une espèce de gros truc pour débloquer la situation, en fait. C'est plus le gros coup de pouce pour relancer l'enquête, relancer la situation. Ouais. Moi je vois aussi un petit peu comme ça. Moi je vois plus ça comme en gros t'es dans la merde et t'as le joueur qui tend une main brandie en guise d'amitié et d'aide envers son personnage, quoi. Ouais, non, d'accord. Ça, c'est clair que ça rend bien. Thomas, tu veux dire? J'ai une petite question pour toi, Soldevan. J'ai cru comprendre par le biais de ces Landriff que tu faisais partie des MJ qui distribuaient le plus de points d'immersion négatifs. Non, moi j'ai été dans une situation un petit peu spéciale, voilà, avec des joueurs un petit peu difficiles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les points d'immersion, est-ce que négatifs, est-ce que tu les as distribués justement pour des blagues, des digressions au cours, ou non, c'est vraiment, tu les distribuais d'une autre façon? Ouais, non, c'était vraiment pour les digressions, et même j'étais pas si méchant que ça. Par exemple, j'ai appris qu'on devait donner des points d'immersion négatifs quand un de tes joueurs partait aux toilettes pendant une séance, tu vois. Ça dépend. Ouais. Par exemple, s'il dit que son personnage va pisser, à ce moment-là, s'il sort de la pièce, au contraire, il peut même gagner des points d'immersion. Il faut toujours amener, mais il faut amener les événements hors de la partie, presque dans la partie pour... Disons que si quelqu'un a envie de pisser, c'est au MJ de comprendre qu'il faut faire une pause, quoi. Voilà, ou de comprendre qu'il faut faire une pause, effectivement. Ouais. Oui, mais je veux dire, j'en mettais pas pour ça, mais... Non, moi, c'était vraiment pour des digressions, et même pour... Oui, non, c'était vraiment spécial, moi. D'accord, ok. Tes joueurs, ça les a beaucoup limités en fait dans leur interprétation de gagner ces points d'immersion négative? C'est-à-dire au bout d'un moment, ils s'en foutaient vraiment. Ouais, et au final, en fait, l'immersion négative n'a servi tellement à rien que, en gros, je leur ai donné un tel paquet que j'en ai viré deux d'un coup. D'accord. C'était devenu des points de sand. En fait, c'est juste que, à mon avis, les joueurs de Soldevan n'avaient pas envie de jouer à Sens. Il y en avait un qui m'avait dit carrément qu'il accrochait pas à l'univers. Mmh. Et en gros, c'était un petit peu l'artificier ultra dangereux pour le groupe, c'est-à-dire j'ai une ceinture cargo que je bourre de produits dangereux. Mais à chaque scénar, de plus en plus. On en connaît des concours. On en connaît comme ça. Le mec Pierre, ouais, on parle de toi. On regarde là. Ouais, on te regarde. Mon personnage est un scientifique. Ouais. Qui a bien sûr dans son riploïde. Bien sûr. Un virus très dangereux. Bien sûr, comme ça au cas où. Mais. C'est pour mes recherches. Mais bien sûr, comme ça, si ta respiroïde s'est fait blaster, nous, on est tous contaminés. Quoi. Non. Mais non, vous avez des respiroïdes aussi. Bah, bien sûr, par contre, toute la résistance, elle se fait défoncer. C'est quoi. Un détail. C'est clair, c'est qu'un détail. Il bosse pour Mifos. Comment profiter de la partie, déjà, en n'ayant pas de genre de joueur, ce bon genre de bombe atomique juste à côté de soi, déjà, parce que sinon, on stresse un peu. Quoi. Alors, on en revient... Je reviens à l'immersion, je pense qu'en fait les joueurs, je pense que l'immersion, faut laisser couler quoi. Je pense que pour beaucoup de joueurs, j'ai fait une table sur Rennes, et il y a un joueur en particulier qui a pas du tout accroché l'univers, et en partie je sais qu'il m'avait fait ce reproche là, lui il trouvait que l'immersion négative c'était c'était une sanction. Ouais, non, non, c'est pas ça. Et c'est vrai que c'est, ben, c'est pas ça, là. Ouais, non, non, justement, mon avis, quand tu prends de l'immersion négative, le joueur doit être un petit peu complice avec toi et doit te regarder en disant oui, c'est vrai, j'ai déconné, oui. J'ai été un peu trop loin. Et en fait, je pense que le vrai, un point, Solvan, tu voulais réagir peut-être? Non, non. Non. Un vrai point, je pense, c'est ce qui est défendu dans le podcast sur l'immersion, avec cette histoire de baleine. C'est-à-dire qu'on en revient encore à ce truc de la baleine, à savoir que on est l'immersion, c'est pas uniquement jouer son personnage à fond et ne jamais en sortir. L'immersion, c'est constamment un jeu de va-et-vient entre son personnage et l'appréciation par le joueur de ce qu'est en train de faire son personnage. Prendre du plaisir à jouer son personnage alors même que celui-ci, par exemple, vit une tragédie, c'est encore être en immersion. Et c'est ça qu'il faut expliquer à tes joueurs. C'est l'idée de dire, rigoler parce que la partie est rigolote, c'est être en immersion. On profite de la partie, on est dedans, quoi. C'est être dedans. C'est ça qu'il faut retenir. C'est, si l'immersion, c'est juste pour tenir le joueur et l'obliger à jouer sans prendre de plaisir, à prendre du recul sur son personnage et à l'apprécier, ça sert à rien. C'est pour ça, c'est ça que tu veux dire, je pense, Thomas. Bah, moi, ce que je veux surtout dire, ouais, moi, je dis surtout que, en fait, l'immersion, je pense qu'au départ, faut vraiment pas y penser, parce qu'on va trop se bloquer, à falloir faire des conneries, et qu'en fait, naturellement, l'immersion va devenir un acquis, et l'immersion négative. Bah, nous, je sais qu'à un tel, on est arrivé à un point, j'ai jamais reçu de point d'immersion négative, quoi. Non. C'était plus du recherché, on m'a jamais donné, parce que j'étais plus en immersion, quoi. Non, c'est... Donc je pense que naturellement ça vient tout seul et c'est vrai que je pense que ça peut faire peur qu'on te dise bah, attention quand tu fais des conneries, des digressions, bah tu perds des points et au bout d'un certain moment ton personnage meurt. Je pense que quand t'arrives à ce point-là, faut vraiment se dire que maintenant le joueur n'était pas fait pour ce jeu et qu'il a pas envie de jouer. Oui, je sais, mais depuis mon anéantissement massif, le nombre de points d'immersion négative que j'ai distribué a diminué en 10. Non, mais c'est vrai que là je suis en train de penser à des joueurs, c'est vrai quand on présente l'immersion, moi je me rappellerai toujours quand Romaric il nous dit on va mettre des immersions, maintenant quand on fait des blagues qui n'ont rien à voir avec le scénar, on perd des points. Ouais. Bah direct ça a jeté un froid. Hein. Bah, en fait, ouais, mais en même temps, alors quand tu dis ça, tu poses l'ambiance du jeu. Mais en fait, de facto, quand il y a eu des blagues autour de la table, en fait, de facto, parfois, je n'enlevais pas d'immersion. Ça dépendait, en fait. Si le joueur faisait une blague qui avait un rapport un petit peu avec le scénar ou machin truc, qui montrait juste qu'en tant que spectateur et joueur du truc, il... voilà. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que joueur, quand tu m'as présenté l'immersion, d'un coup, de suite, j'ai eu un froid. Et après, j'ai manipulé l'immersion et je me suis rendu compte que, non, en fait, c'est rien du tout, quoi. C'est un questionnement, c'est une énigme par rapport au jeu. Ouais, dites-le avec le sourire. C'est vraiment l'approche du joueur avec ses points d'immersion négatifs. S'il le prend comme une sanction, c'est qu'il n'est pas à l'aise, c'est qu'il n'est pas bien. Et là, on va voir un joueur qui a un souci. Autrement, les autres joueurs, ceux qui sont dedans, c'est ça, ils le prennent comme une complicité, ils le savent et ils le prennent sans rien dire. Est-ce que tu penses que t'as des joueurs qui sont pas à l'aise comme ça à cause... Alors encore une fois, je prends des pincettes, je m'en parle bien des joueurs, mais en fait derrière c'est du système dont on parle là. C'est pas les joueurs, c'est pas de la faute des joueurs si ça se passe mal. C'est de la faute du système. Oui et non, ouais. Là après je sais pas, mais j'ai un joueur justement qui avait un petit peu de mal avec ses points d'immersion négative et je voyais que ça le chagrinait à chaque fois qu'il en prenait un et la dernière partie il m'a dit bah écoute je vais arrêter de jouer, j'ai peur de ralentir les autres joueurs, de pas être dedans, etc. Non, surtout pas. Mais au final c'est pas les points d'immersion qui l'ont gêné, c'est qu'il accrochait pas à l'ensemble du jeu. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Ça m'a permis de voir qu'il y avait un souci en fait. D'accord. Et effectivement, quand on en a discuté, il m'a dit ouais, non, mais en fait, ça va pas. Donc, ouais. D'accord. Solvan. Donc, l'approche. Ouais, mais là-dessus, je veux conclure Shadow juste avant. Non. Non, j'ai l'habitude de me répéter. Je voulais juste me répéter. Solvan. Non, ouais, moi, ça m'a fait. Bah, justement, j'avais parlé de la bombe humaine. L'autre prenait très très mal le système des points d'immersion négative, enfin l'idée d'une sanction dans le RP le dérangeait profondément, mais c'est vrai que d'une certaine manière le système fait vraiment conditionnement à la Pavlov, je suis désolé quoi. Tu te comportes pas comme le maître de jeu le veut, pan, tu te prends la sanction qui vise à diminuer ce genre de comportement. Tu fais ce que le maître de jeu veut, tu te retrouves encouragé. C'est quand même sucre et bâton, je trouve un peu. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ça il faudrait l'éviter, il faudrait faire comprendre que c'est pas ça le but du jeu. Ça reste l'immersion est là. Enfin, en même temps, si, c'est ça qui est. Ça a du sens par rapport au jeu, là, mais. C'est pas ça l'immersion. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas un podcast sur l'immersion. Mais en tout cas, on a bien compris que profiter du jeu, c'est être en immersion, c'est prendre du plaisir à y jouer. Et que là, il y a un truc avec l'immersion. C'est-à-dire que l'immersion peut aussi ne pas nous faire, du coup, de nous. Flavie. Je disais l'immersion, c'est aussi, mais je disais ça en dehors des micros. D'accord. Ouais, ouais. Mais c'est aussi à côté en fait l'immersion, c'est-à-dire c'est pas uniquement pendant les scénars. Oui, bien, Flavie, t'as raison de le préciser. Non, l'immersion, non, oui. C'est aussi c'est après les parties voilà. Débriefer, c'est dire oh là c'était trop bien ou voilà, expliquer au maître de jeu ce qui nous a fait triper dans les parties ou pas pour que le maître de jeu puisse aussi faire des choses des qui nous intéressent. Ça c'est super important. Et faites essayer d'expliquer les théories qu'on a un petit peu sur le sur l'univers qui se met en place, c'est aussi ça le plaisir du joueur dans ce sens. De pouvoir dire, ah oh là, je suis sûr que ce mec-là, en fait, c'est un méchant, ou peut-être que lui, il a un rapport avec tel truc. C'est faire des débriefings avant, après, c'est la partie, elle ne s'arrête pas au moment où on dit fin du scénar. Ça, c'est clair. Ça, sinon, c'est clair, bah, on passe à côté d'une partie du jeu. C'est super important, super important. Est-ce que vous trouvez que Sens est un jeu qui est fait, par exemple, pour prendre du plaisir à maximiser son personnage, à l'optimiser, etc. On en parlait un petit peu en préparation du podcast avec Shadow. Shadow, est-ce que... Bon, je vais prendre la patate, je crois. Pourquoi vous avez peur de cette question? Non, est-ce que Sens est un jeu qui pousse à... Pour maximiser son personnage. Alors, je dirais oui, mais en fait, tout dépend ce que je veux dire par maximiser. D'accord. C'est pas maximisé par l'équipement. Ouais. C'est pas vraiment ce qui est recherché. Parce que tout le monde a égalité. De toute façon, au bout d'un moment, tu seras bourrin. Par contre, maximiser au niveau du background. Sur le fait de le système de faits qui permet de créer son historique, ça je pense que c'est important en fait. Là tu vas vraiment optimiser. Enfin à la fin ton personnage c'est pas n'importe qui quoi. D'accord. Moi quand j'ai joué Protecteur, à la fin Protecteur faut le jouer comme ça point barre quoi. Dire il avait un tel background, il avait tellement de faits que tu pouvais pas le jouer autrement. Ouais c'est clair. Il était bien déterminé. Et donc oui là c'est, moi j'ai jamais eu un personnage aussi approfondi malgré qu'il y en a certains où j'ai écrit des backgrounds quoi. Ça a jamais été aussi précis que ça quoi. Shadow. Effectivement, les joueurs passent quelques minutes à choisir l'évolution de leur esploïde quand ils passent des heures à l'écriture de leur background, à réfléchir à leur passif. Hein, voilà, ils créent du passif. Ouais. Et ça, c'est bien. C'est ça, l'optimisation de leur personnage est vraiment dans son historique et dans son... Et donc c'est ça, c'est que le truc c'est qu'on peut pas maximiser son personnage par les équipements ou quoi que ce soit. Le but c'est pas d'être le plus gros build ou de tuer un maximum de PNJ. Le but c'est vraiment de maximiser l'histoire et les enjeux de son personnage, les objectifs de son personnage, les positions du personnage par rapport au personnage, au PNJ. Ouais. Pierre. Ah c'est sûr. Hein. S'il fallait améliorer son équipement et devenir le plus gros build avec de toute façon, c'est pas possible. J'irais chez Warcraft. Hein, et tout, hein. Non, moi ce qui m'importe surtout dans ce sens, c'est l'histoire de ton personnage. C'est ça. C'est faire en sorte que ton personnage soit tel que tu l'imagines et tel que tu veux qu'il aboutisse. Et là-dessus, le conseil initial de Soldevan de jouer à un personnage qui est pour qu'il soit proche de soi, il est très bon. Parce que du coup, t'as pas le choix, quoi, entre guillemets, quoi. Soldevan. Moi, j'ai un personnage qui est délirant. Il a un de ses faits de... Et c'est complètement borderline, mais d'une certaine manière, le personnage est assez décalé aussi. Mais un de ses faits, c'est j'aime bien les magazines à base de tentacules. Oh la vache, oui, ça c'est spécial. Oui, c'est borderline. Mais son perso est complètement borderline d'un point de vue purement psychologique. Non, mais il y a plein de gens autour de cette table qui sont fans de avec des tentacules. Il y en a pas mal. Le poule peut se prolifier beaucoup sur Terre. On parle pas de Cthulhu, on est d'accord. Aucune. Pierre Quentin. Alors vous ne l'entendez pas, chers auditeurs. Il y a Pierre qui est complètement en train de péter un câble sur Cthulhu. Ah oui, Cthulhu. D'ailleurs, souviens-toi de comment t'as fini dans la maison de l'horreur. J'ai pris du plaisir. Flavie. Mais ça pour ton plaisir. Hein. Flavie, tu te souviens plus de ce que tu voulais dire. Ouais, ça c'est classique quand on. Je suis désolé, Flavie. Je suis désolé. Donc, la petite phase du recours de Gilles, là, pouf. La maximisation de son personnage, elle est historique. Ah, ça historique, y est, je crois que je m'en rappelle. Flavie. Essaye, vas-y. Hein, Même joueuse joue encore. Flavie, je te passe la parole. Oui, c'est que quand on va maximiser le perso, je vais faire un petit parallèle avec Agone, parce que je pense que ça a peut-être pu, d'un certain côté, t'influencer. C'est Agone, c'est la recherche du tragique et dans la mise en place de l'histoire. Mm-hmm. Et avec l'arrivée dans Sens Mort de tout ce côté tragique qui va arriver à ton personnage, ça va aussi là-dedans. Enfin... Ah, Shadows Revolt, il voulait faire... Il bouge les mains, tu fais la tentacule, tu fais que Cthulhu. Ne dis pas, tu n'es pas arrivé à Death. Non, je ne spoilie pas. Tout ce que je dis, c'est que quand vous allez créer votre personnage, plus vous allez aller dedans, plus vous allez chercher à maximiser même ses mauvais penchants, à aller plus loin dans ce qu'il aura de problématique et de tragique pour en faire un vrai héros. Mmh. Un vrai héros épique. Mmh. Mais de toute façon, ça, je veux dire, parce que tes joueurs pensaient que le sens 2 allait bien se passer. Là, j'invite quand même tes joueurs à regarder toutes les trilogies qui existent, à regarder à chaque fois le 2, donc le deuxième opus de toutes les trilogies qui existent, ou les quadrilogies. Retour vers le futur 2. C'est toujours, toujours le pire des épisodes. Celui où les personnages souffrent le plus. Star Wars. L'Empire contre-attaque, affreux. Retour vers le futur 2 ? L'Empire contre-attaque, excuse-moi, mais quand même, ils perdent un perso. Non, je parlais de la nouvelle trilogie, tu sais. La nouvelle trilogie, c'est là où, justement, ils sont du côté obscur. C'est là où la politique commence à... Le troisième qui tue des enfants. Mais c'est pas grave, oui, on diverge. Tout à fait, mais quoi qu'il en soit, le 2, c'est toujours l'épreuve, le moment où les PJ en chient. Je suis désolé. Retour vers le futur 2 ! Roi Lion 2, c'est nickel, hein. Ils ont eu un enfant. Le père, il est pas mort. Non, c'est nickel, hein. Il est mieux que la trilogie. Là, on est vraiment au pays. Ah bah attends, le 3 il va bientôt sortir, je crois. Alors, maximiser. Le 3 est sorti, c'est avec Timon et Pumba. Maximiser son personnage à Sens. Je rappelle quand même, c'était la dernière partie de ce podcast. Ah oui, Sens. Alors, pardon, on ne t'entend pas, ce domaine. Je disais, on aurait pu parler aussi des scores runiques, en fait, parce que c'est un système qui permet énormément de choses avec une rune. Ouais. Je veux dire, une bonne rune de Cosmo, ça fait plein de trucs. Parce que c'est toi le maître de jeu. Tu l'as dit toi-même au début, en préparation de ce podcast, je ne sais pas si ça a été enregistré, mais tu as dit que tu étais massivement Cosmo comme maître de jeu. Et oui, tu avais du mal à interpréter Wilfried. Non, c'est pas du tout ça. Je disais, un personnage qui a 40 en Cosmo, et sachant que les règles ne prévoient qu'un bonus de plus 2 si tu fais jouer un fait. Mais par exemple, si dans tes faits, t'as physicien génial, par exemple, t'as 52 pour un test de physique, mais t'as d'autres trucs qui sont gérés par Cosmo. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais... Je pense que c'est plutôt ta façon de maîtriser. Hein. Parce que je peux te garantir que moi, quand je maîtrisais Cosmo, ça servait pas tant que ça. Franchement, la rune la plus importante, c'était surtout création. Hein. Ils en ont quasiment pas à ma table. Que moi, par exemple, mes deux runes principales quand j'ai maîtrisé, c'était vie et death, par exemple, parce que c'était très martial. Ouais, et moi, c'est vie et chaos. Et par exemple, le Flavie, c'est beaucoup plus le chaos. Donc, il joue beaucoup sur le chaos aussi. Ça, c'est vraiment le MJ. Ouais. En fait, le MJ, c'est pareil. Je veux dire, le MJ présente son univers quelque part. C'est lui qui fait l'interprétation de l'univers par rapport à la base. Justement. Donc, quelque part, tu es toujours orienté vers une rune, donc tu fais ta présentation par rapport à ta rune. On en vient à un point très important pour bien profiter de la partie, pour les joueurs. Un bon MJ. Petit conseil. Non, mais ça veut rien dire, un bon MJ. Il y a des bons jeux, des mauvais jeux, on en a déjà parlé. C'est quoi un bon jeu, un mauvais jeu? L'équipe la plus forte. Bref, quoi qu'il en soit, maximiser, ça veut aussi dire demander au maître de jeu parfois de dire « Tu trouves pas que, vu mon personnage, ce serait plutôt un test de Cosmo pour cette situation que je devrais faire, ou plutôt un test de néant ?» C'est-à-dire, le maître de jeu peut nous annoncer « Tu dois avoir tant en Cosmo » et nous réagir « Avec mon personnage, tu trouves pas que c'est plutôt cette rune-là que je devrais invoquer étant donné mes intentions ?» Ils sont très doués pour faire ça. Exactement. Et ben ça, ça fait partie du jeu. Et ça, je dis que même si on sort un petit peu du jeu, etc. Par exemple, un point comme ça ne fait pas perdre d'immersion, par exemple. Mm-hmm. Parce que même si on discute technique, malgré tout, on discute des intentions du personnage à ce moment-là. On est encore dans la fiction de sens. Et Shadow, je te vois faire la grimace là. Je sens. Oui, parce que. Merci. J'ai l'impression qu'il est en conférence de presse, le garçon, quoi. Effectivement, ça me perturbe un petit peu parce qu'on en parlait justement en préparation du podcast. Nous, on sort jamais de. Enfin, quand on est dans les périodes de jeu, on parle pas du système. Jamais je leur dis, si tu attends en Cosmo, tu peux le faire. À aucun moment. Ouais, c'est très bien. Moi, j'ai ma fiche, je regarde à peu près ce qu'ils sont. Pareil, je sais pas exactement leur score. Je sais qui a le plus grand envie, où se situent les autres, etc. Ouais. Et c'est un peu au feeling par rapport à ce qui se passe. Ouais, donc, du coup, les faits de simulacre sont peut-être moins importants. puisque que ça donne plus 2 ou pas en soi, bah, du coup, ça ne va pas changer grand-chose. Mais les fêtes simulacres vont servir, comme je disais, pour le background, pour étoffer, etc. Ça t'arrive jamais quand même d'avoir des joueurs qui te disent « Non, mais vu le fait simulacre que j'ai, de toute façon, ça doit passer automatiquement bah, ?» Ils ne me le formulent pas comme ça, mais ils vont plutôt me dire... Bon, bah, du coup, je vais regarder ça plutôt du niveau mécanique. D'accord. Ou, tiens, je me mets à trifouiller ça, c'est quelque chose d'organique, etc., pour me faire comprendre c'est pas ce qu'ils essayaient de... De manière à bien, bien orienter le test de manière... Pierre. Mais ils ont raison, en plus. Hein. C'est comme ça qu'il faut le jeu jouer. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on a constaté la même chose. Moins le système, moins on apercevait le système finalement dans les parties de sens, moins on l'invoquait et plus les parties étaient bonnes. Mais plus c'est fluide et plus. Tout à fait, fluide, exactement. Ouais, c'est le bon terme. C'est la fluidité du truc. Donc en fait, c'est vrai que bon, voilà. C'est, au final, les runes, c'est plus une indication sur comment tu vas jouer ton personnage. Ouais. C'est une indication de roleplay. Bah si. Ouais, ouais. Si. Tu vas pas faire sans arrêt des jets, quoi. Ça t'indique chiffré. Juste que. Voilà. Je pense que ça sert aussi à se positionner par rapport à l'univers à partir d'un certain moment. J'en dirai pas plus parce que voilà. Mais il y a un moment donné où ça. Moi, je reviens à dire que oui, c'est une façon de faire. Après, pour des gens qui sont très système, ça marche tout aussi bien. Hein. Oui, ça marche tout aussi bien. Ouais, c'est pour ça qu'à mon avis. Je pense mais c'est vrai que. Et certains disent que de sens, c'est un jeu sans règles d'ailleurs. Alors, ce qui est faux, hein, y a des règles et tout, mais ça, c'est ça. Ah non, y a pas de règles. Ah, si, y a des règles. Je le dis, je suis officiel. Y a pas de système de résolution, mais y a des règles. Si, un système de résolution. Il y a un maître de jeu, il y a des joueurs, il y a des rôles. De résolution, celui qui est la plus forte en rigueur. Oui, d'accord, ok, mais peut-être que le système de résolution peut devenir un peu discret, mais par contre. Enfin, sauf si tu utilises un point de cellulite. Non. Alors, donc Thomas, qu'est-ce que tu voulais dire avant qu'on parte dans cette idée de... Non, enfin, dans cette idée-là, ce que je voulais surtout dire, c'est que, en fait, quand tu vas jouer, tu peux très bien avoir le système. Moi, j'ai trouvé que quand on faisait les parties, en tout cas, moi, quand j'étais maître de jeu, régulièrement, je vous demandais quelles étaient vos runes, et j'ai pas trouvé que ça avait tant bloqué que ça. Mais c'est vrai qu'après, nous, en tant que jeu, ou même en tant que, enfin, moi, surtout en tant que joueur, après, en tant que master, je l'ai moins ressenti. Quand j'allais décrire une action à mon maître de jeu, je lui expliquais toujours mon intention. Par exemple, pour lui dire, bah tiens, je suis quelqu'un qui a une forte vie, je vais pas aller taper sur le gars, c'est non, je vais me mettre entre le gars et mon pote de façon à ce que quand il tire, c'est moi qui vais toucher. Donc c'est sur ça, mon action va vraiment être décrite pour de façon à ce que je dise à mon OMJ quelle rune je vais utiliser. Le MJ n'est pas d'ambiguïté. Je pense que ça marche bien avec une plupart des joueurs qui ont l'habitude ou des MJ qui connaissent bien ses joueurs, parce que tu sais comment il va réagir. Ça m'amène sinon, c'est quand même le point de vue règle. Je vais rebondir sur un truc parce que ça me fait penser à quelque chose qu'on faisait pas mal à la table. C'est que dans les combats, si t'es tout seul, techniquement, tu vas te faire un peu chier aussi en tant que joueur parce que tu vas t'en ramasser plein la gueule. C'est bien de coupler avec d'autres personnages qui ont des runes différentes de toi pour pouvoir... Tu veux dire pour maximiser, avoir une équipe ou avec des runes différentes. Check, par exemple, avec Agonis de Fenrai, lui, il avait beaucoup en mort, moi, j'avais beaucoup en vie. Et du coup, ça faisait une association rigolote, c'est-à-dire que lui, il tapait et moi, je le défendais. Et du coup, c'était rigolo à jouer. Ouais, ça peut être sympa. Le Soul de Van, ça te faisait réagir? Ouais, non, moi, j'ai pas du tout ça à ma table. Ouais, en gros, en fait, le problème, c'est que justement, ils ont l'impression de se min-maxer. Oh, t'as la grosse rune de vie, j'ai la grosse rune en mort, tu vas servir de bouclier pendant que je vais servir de canon. C'est-à-dire, eux, ils ont pas envie de faire ça, mais paradoxalement, après, les manœuvres qu'ils font pendant les combats ont... Enfin, je sais pas pour tous, mais je sais qu'il y en a un qui avait un retour, genre, j'ai vraiment l'impression que c'est pan, pan, pan, pan, pan. Ouais, enfin... c'est vrai, il y a un côté très RPG finalement classique. Où ouais, on est très presque tour par tour. C'est fantasy. Exactement ce qu'il veut. Et je m'en cache pas, c'est une des sources d'inspiration même pour les combats. On voit bien que c'est du tour par tour du Final Fantasy. Et alors? Oui. Si c'est la physique de sens. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, les combats dans le jeu de rôle, de toute façon. Mais en même temps, on peut aussi les jouer, à mon avis. On va se tourner vers Shadow. Mais à mon avis, par exemple, lui qui n'utilise pas du tout le système de résolution, en tout cas pour lequel c'est très discret, comment les combats sont joués, à mon avis, c'est plus l'intensité dramatique et ce genre de choses qui va compter. Eh bien, nous, on regarde quasiment pas les runes. Et c'est vraiment, on décrit l'action, je vais rouler, me mettre à tel endroit. Je vais adorer ça. Je saute. Et en fait, on joue en temps réel. Je dis pas tiens c'est à toi de jouer, je regarde le joueur, ils savent qu'on est en période de combat donc ils sont attentifs, je regarde le joueur, il sait que c'est à lui d'agir, si dans les deux secondes il a rien fait, je passe au joueur suivant rien lui dire, il sait que son personnage est resté perdu dans le combat, a pas eu le temps de réagir, et en fait on joue comme ça, donc il y a du tour par tour mais au final c'est très rapide. Ouais, d'accord. Et juste pour revenir en arrière, je voulais te passer la parole avant, j'avais vu que tu avais. Je disais que les runes, je les utilisais très peu, mais il y a quand même deux runes qui malgré tout sont du coup deviennent plus importantes et mes joueurs ont tendance à mettre des faits de simulacres liés à celle-ci, c'est néant et création, ouais. Puisque on n'est pas encore dans le sens mort, ouais. Donc on a besoin de attention à ton micro. On voilà. A besoin donc de néant et création. Création, et eh bien c'est pour voilà, les... pour l'ombre monde, etc. D'accord. Okay. Donc du coup, c'est deux runes malgré tout qui restent importantes. Hmm. Tu les trouves dégénérées par rapport aux autres ? J'ai l'impression que c'est sous-entendu. Non, non, c'est pas ça. Mais les joueurs au début, quand ils font leur simulacre, ils font pas forcément attention à avoir beaucoup de points, enfin à 7 points en création par exemple. D'accord. C'est des joueurs qui sont un peu bloqués, qui ont du mal à passer dans l'ombre monde. Bon, du coup, ils font un background qui va avec. Hein. C'est pas terrible, mais voilà, du coup, ils rajoutent des faits, ils sont obligés d'étoffer un peu le background dans ce sens-là, c'était peut-être pas ce qu'ils avaient prévu. Ouais, mais malgré tout, ça les oblige à être justement créatifs. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi pas, quoi. Ça peut passer. Alors, est-ce que vous avez d'autres conseils de joueurs, Pierre? Je te vois, t'étais en train de mourir, je pense. Le penseur de Rodin, quoi. Oh non, pas du tout. Tu médites? Non, j'écoutais. Sur la finitude du personnage sancien, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors justement, à propos de finitude du personnage sancien, on va peut-être conclure là-dessus. Est-ce que vous pensez que profiter du jeu, c'est pas aussi se positionner en termes de point de vue vis-à-vis des grands PNJ de l'histoire ? Shadow, je te vois réagir. Oui, et j'en parlais tout au début en disant voilà, que je voulais qu'il crée un fait de simulacre en lien avec les PNJ du Conseil et de la Résistance. Parce que c'est très important le placement de, enfin le point de vue par rapport à ces personnages-là. Alors Thomas, je te vois, t'as pas l'air d'être totalement d'accord. Même chose, conférence de presse. Merci, merci. Tous les micros t'arrivent. Non, ce que je veux dire, effectivement, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai que vous avez le retour inverse un peu. Ben nous, on a le retour inverse. Ouais. Malheureusement, les grands personnages de l'histoire, on leur a fait gentiment casse-toi, t'es moche. En fait, le vrai problème, c'est qu'ils ont pris trop d'importance dans votre partie. Ouais. Non, mais c'est pareil, nous, comme je décrivais tout à l'heure, c'est vrai que nous, on l'a joué beaucoup en fait, frère d'armes. Dire que c'était notre équipe, on comptait beaucoup sur l'équipe, si quelqu'un était dans la merde, on allait le plus l'aider que si c'était un PNJ de base, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'on on a eu moins d'attaches de ce côté-là. Et pourtant, j'ai pas trouvé qu'on est passé à côté de ça. Pourtant, entre vous avez énormément d'attaches. Ah, par contre, entre nous, on avait énormément d'attaches. C'était complètement énorme, même. Je sais qu'à la table à laquelle on a joué, nous, on avait beaucoup d'attaches à Solipsis et. Et c'était très bien pour un moment de l'histoire. Et, ouais, non, et c'était à des grands moments qui ont été créés à partir de là, quoi. Moi, je pense que c'est important dans le principe philosophique du personnage. C'est-à-dire s'attacher au personnage, au moins à ses idées. Se dire pourquoi est-ce que je combats ? Qu'est-ce qui me motive à avancer ? Est-ce que c'est par vengeance ? Est-ce que j'ai envie de tuer Miphos ? Est-ce que j'ai envie de détruire les ordinateurs ? Thomas, t'as l'air de... Je suis en train de me dire que c'est un truc que tu pourrais rajouter sur ta fiche de perso. C'est-à-dire pourquoi tu te combats ? Pourquoi combattre ? Ouais, mais en fait, j'ai envie que ce soit en fait, j'ai pas envie. Ouais, ah. Mais donc Shadow ajoute que c'est les objectifs, parce que t'avais pas de micro, on t'entend pas. Mais pour moi, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une question, comment dire, d'objectifs. Mais c'est comme c'est un leitmotiv en fait dans tout le jeu. Si tu dois l'écrire, pourquoi je combats sur ta fiche, je trouve que ça détermine trop et du coup, tu peux moins évoluer. Alors que moi, je pense qu'à chaque moment, tu doutes de ce pourquoi. C'est vrai que pour un personnage, pour bien l'interpréter, peut-être que c'est une question à se poser au moment où tu crées ton perso. Pourquoi tu te combats ? Est-ce que c'est ça, à partir de là, tu vas pouvoir mieux interpréter par admiration pour Soren. Ouais, ouais, voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent te pousser à aller au front, quoi, pour protéger les gens que tu aimes, etc. Et ça, c'est important, à mon avis, de savoir pourquoi on se bat si on veut bien profiter des parties de sens. Pierre. Oui, mais pas obligatoirement s'attacher spécifiquement à un PNJ. Non, mais souvent, en fait, le truc, c'est que souvent, dans ce sens, les PNJ, les gros PNJ de l'histoire, ceux qui dirigent les grandes factions, Miphos, Solipsis, ces persos-là, sont des persos qui représentent des idées, des idéaux, sont des allégories, en fait, de certains symboles. D'accord, genre Solipsis, par exemple, qui défend le bonheur et la liberté, contre Miphos, qui défend une idée de la vérité et du progrès. Tu vois, ce genre de choses. Tu vas avoir des grands symboles auxquels te rattacher. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Mais tu vois, moi, par exemple, moi, mon personnage, pour moi, mon seul personnage, c'est Anastas. Ouais. Celui où je tiens le plus. Et tu n'a aucune attache avec des grands de ce monde. Oui, mais tu savais très bien, quand tu as créé ce personnage, quelle éthique aurait ton personnage vis-à-vis de l'univers de sens. C'est ça le truc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que se positionner pour des joueurs qui ont des difficultés à comprendre les objectifs du jeu, etc., je trouve que c'est bien de chercher à se positionner par rapport à un perso. Mais Souvenez-vous du début dans Sens, de ce que vous avez vu au début. Chacun d'entre vous avait un personnage fétiche, comme dans Saint-Séyant, on se battait pour savoir qui c'est qui avait la plus grosse quéquette parmi les chevaliers d'or. Dans Sens, on s'est retrouvé plein de fois pareil à se dire, c'est qui la plus grosse rune? Qui c'est qui nous fait le plus triper? Est-ce que moi je me sens plus proche de ce qu'était un Finlongfinger que de Solipsis à l'heure actuelle, que de Miphos, etc. Ça, c'était l'époque où tu ne les connaissais pas encore et tu fais, ah, il a l'air mystérieux, il a la classe, lui. Ouais, voilà. Et ça, ouais, et pour finir par se faire enculer à la fin, tu vois. Moi, pour ce terme. Pour moi, c'est hyper important, d'autant plus pour Miphos, attention, une certaine communauté pourrait mal le prendre. Le truc, c'est d'autant plus que le fait de dire il a la classe, il a pas la classe, ça te force à te justifier sur certaines choses, certains positionnements philosophiques, et oui, je pense que c'est intéressant. C'est vrai que c'est possible qu'effectivement. Merde, ça reste un jeu de rôle, de fiction, bordel. Oui, c'est un jeu de rôle et que t'as créé des PNJ, que tu t'es cassé le cul, dire ils ont quand même la classe, c'est surtout ça que t'es en train de te dire. Non, puis même en tant que MJ, quand on a ces personnages ces joueurs qui se détachent des grands PNJ, on a l'impression de perdre quelque chose. Mmh. Moi, je vois mes joueurs qui se détachent complètement de la résistance, etc. Et ça m'embête. Oh, t'inquiète pas, c'est normal. Mmh. Tous les MJ ressentent ça. J'ai l'impression. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Mmh, ouais. Mais non, mais même, je veux dire, quelque part. C'est dingue quand même. Je sais que ça ne me. Je sais pas, nous, pas gêné. Ça n'a pas fait ça à la table. Non plus. Je comprends même pas. Moi, ça ne m'a pas gêné en fait ce cas-là. Parce qu'en fait, je voyais mes joueurs quelque part qui tripaient en partie. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient en train de triper autour de leur groupe. Donc je me dis, bah, c'est bien quand même, le jeu marche. Effectivement, ce que je présente, ça ne les intéresse pas. Mais le jeu a l'air de marcher parce qu'eux, ils arrivent à créer leur propre histoire, mais même tout seul. Mmh. C'est quand même super fort dans ce sens. Mais j'ai Shadow, excuse-moi. Là, c'est même autre chose. C'est pas ils s'en détachent. J'ai l'impression qu'ils deviennent antagonistes de. Mais oui, mais ah, mais ça c'est trop bien, ça. Ouais, mais si, c'est drôle. Oui, c'est drôle, mais à partir de Sens Renaissance, je rappelle quand même que Shadow, là, il a préparé toute sa campagne sur longtemps, mais en ce moment, ils sont en train de faire l'épreuve de graveur, quoi. À le moment d'enregistrer. Voilà, donc, et ils se détachent normal. Déjà. C'est pas normal. Et t'imagines s'ils se détachent déjà. Mais tu leur as fait, t'as fait participer des fois. T'es en. Parce que nous, je sais que ça a aussi pas mal soudé le groupe avec les runes. Ouais. C'est-à-dire que des fois, les runes nous accompagnaient en mission, quoi. Ouais, eh bien, ça, malheureusement, pour l'instant, non. Je ne l'ai pas fait. Mmh. Et c'est peut-être ce qui manque. Parce que, par exemple, moi, je me suis super attachée à Wilfried, mais parce que pouvoir triper avec une rune patati patata pendant. Eh bien, mission, ils sont dans l'épreuve de graveur, donc ils sont actuellement avec Wilfried. Heureusement qu'il est là, ce putain de personnage. Et effectivement, il se rapproche de lui. Vraiment. Mais Solipsis. Mais voilà, il cache des choses. Et c'est ça que je comprends pas. C'est par rapport au personnage de Solipsis. C'est toujours ce perso qui. Solipsis n'est pas manipulateur au sens où il trompe les joueurs ou les personnages. Lui, son but, c'est de faire en sorte que le bonheur triomphe sur l'horrible machine qui est en train de créer. Miphos Kadria, c'est un combat qui est super noble. Comment on peut dire Le joues, Solipsis? Moi, j'ai l'impression que les joueurs pensent que c'est l'antagoniste, comme si Solipsis était la personne finalement qui les manipulait dans l'ombre, comme si finalement c'était le méchant. Alors que Solipsis, c'est peut-être le souci. Moi, Solipsis, je le vois un peu comme un philosophe quelque part qui essaye de faire réfléchir en fait les bugs, à leur statut, à l'évolution, qui essayent de les guider, mais par leur propre réflexion. Mais malheureusement, en faisant ça, c'est peut-être ma façon de le jouer, je leur sous-entends des idées en les faisant réfléchir, et ils sentent qu'il y a quelque chose de sous-entendu, et du coup, ils disent « on essaye de nous manipuler ». Mais et donc, ça vient peut-être de moi. Mais parce je leur rappelle aussi. Je sais que nous, Solipsis, il le jouait un peu comme le sage. On pouvait avoir des discussions avec lui. C'est lui, tu sais, genre comme si c'était notre télé-réalité, tu vois. C'était un peu notre psy du groupe. Quand t'avais un souci, t'allais voir Solipsis. Non, mais en dehors et de du ça, coup, c'était hyper agréable d'avoir quelqu'un à qui tu pouvais te confier, qui n'avait pas de regard sur ce que t'avais vécu. Tu pouvais dire, putain, celui-là, il me fait mais chier. Oui. J'ai envie de le taper. Il m'emmerde, ce putain de connard qu'il y a dans mon équipe. Et Solipsis, elle trouvait les mots. Non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'était vraiment le psy, quoi. Pour moi, en fait, ce personnage, il sert à montrer aux joueurs que la vérité n'est pas tout, qu'on peut construire sa propre réalité, son propre univers. Et si à plusieurs moments il dit qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, c'est pas pour brider les personnages, c'est pas pour leur cacher des choses et leur faire des cachotteries, c'est pour qu'ils créent eux-mêmes leur vérité. C'est ça qui compte pour Solipsis. Et c'est ça. Et le problème, c'est que je trouve que les joueurs interprètent mal. Et moi, je pense que c'est plutôt une habitude. c'est plutôt une habitude de jeu et de jeu de rôle classique. Le commanditaire et le premier chef, c'est toujours celui qui nous trahit à la fin. C'est une connerie. Et moi, je peux vous le dire, maintenant, je vous l'annonce, c'est un gros spoiler. Solipsis ne trahira jamais, n'ayez aucun doute. C'est un fervent défenseur de la liberté, etc. Et il se battra jusqu'au bout pour la résistance. Qu'est-ce qu'il faut il y croit, quoi. Il y croit. Mais croyez rien, c'est de la connerie. Attends, je suis désolé. Moi, je suis joueur. Moi, j'étais joueur et MJ. Moi, je suis joueur. Moi, je suis face à Solipsis qui fait « Oui, je suis le chef de la résistance. Désolé, il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Moi, je t'attends. » Et c'est des choses qu'elle veut pas nous dire. C'est non, quoi non, ce bordel non, ce qu'il a... le pire, c'est que tu vas la voir en tout cas de yeux et tu lui dis « Je sais que vous me cachez des choses. Vous arrêtez pas de nous le dire, vous me cachez des choses. Non, je ne vous cache rien. » Non, je ne vous cache rien. Si, vous me cachez quelque chose. Non, c'est pas ça. Non, à chaque fois, ce qu'il dit, c'est pas non, je ne vous cache rien. C'est je ne vous cache rien parce que si je vous cache quelque chose, parce que sinon, ça vous mettra en danger. Et il est des choses qu'il veut mieux ignorer. Ça veut bien dire que on s'en fout. Mais allez au front. Le problème, c'est le joueur qui recherche la vérité et qui n'a pas compris que du coup, il fait le jeu de son ennemi, qui est son véritable ennemi, qui est Miphos. Ouais, non, mais de la Shadow. Non mais c'est exactement ça dans la réalité, enfin dans la vraie vie. Si j'avais un personnage comme, enfin une personne comme ça en face de moi, je boirais ses paroles en quelque sorte. Mais en tant que joueur, effectivement, on se dit, on sait qu'il a des réponses et qui quelque part il veut pas nous les donner, même si c'est pour notre bien. Ben merde quoi, c'est. On veut savoir, quoi. Donc du coup, s'il nous cache quelque chose, c'est pas bien. Quand il dit il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, peut-être que lui-même ne les sait pas. Et c'est ça que tu peux sous-entendre aussi. Oui. Je veux dire, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Je ne les sais pas non plus. Et est-ce que c'est un mal ? Mais il faut que les joueurs aussi se posent la question. Est-ce que c'est pas justement parce qu'ils ignorent certaines choses qu'ils échappent aux runes ? Et s'ils sont au courant de trop de choses, est-ce que ça, ils vont pas perdre du coup leur statut ? Ouais, est-ce que Miphos balance cette conversation avec tes personnages ? Est-ce que Miphos, ça lui a fait du bien de tout savoir ? Moi, je pense que si vraiment tu commences à avoir ce problème, il faut vraiment le résoudre dès maintenant. Et moi, le conseil que je te donnerais, c'est comme vient de dire Flavie, c'est d'avoir cette discussion avec Solipsis. Genre Solipsis qui arrive, je sais que vous avez des doutes sur moi, je sais que vous pensez, vous me détesterez, mais si je vous dis ce que je sais, vous ne serez plus ce que vous êtes et vous perdrez tout. Donc choisissez. Ça peut être une pure discussion philosophique pure discussion, en justement, plus avec tes persos et ça pourrait relancer le truc. Ouais. Et fais venir Solipsis quand tes persos sont un peu dans le mou en disant ouais je sais ce qui s'est passé, j'ai lu ton rapport de mission, comment ça va et tout. Enfin, ça y est, je suis plus bactère et Pierre applique, mais qu'est-ce qu'elle vient faire chier. Oh, tu l'as tapé, c'est mignon. Oh, ils sont pas d'accord. Oh, il y a des messes basses en plus. Oh, ils sont trop mignons. Il se passe quelque chose entre Shadow et Thomas. Non, il avait peur que je fasse du spoiler pour sa table. Non, mais ce que je veux dire, c'est désolé, je suis un peu instinctif, donc. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça, on l'a remarqué, ça. Hein. En fait, je trouve qu'en tant que, moi, j'ai joué des deux côtés, MJ est joueur. Je sais qu'en tant que joueur, c'est un personnage que j'ai détesté. En tant qu'MJ, c'est un personnage que j'ai adoré. Mmh. Et je pense que c'est ça, en fait. En tant qu'MJ, tu peux que aimer ce personnage-là. Mmh. Mais en tant que joueur, en tant qu'MJ, t'aimes pas. Soldevan, t'aimes pas, toi. Si, mais... Ton micro, on t'entend pas. Mais en gros, en fait, à mon avis, les joueurs finissent toujours par adhérer à la solution de Solipsis. C'est vrai que, d'une certaine manière, si on... Si un jour, on venait à voir la preuve du... Non, mais nous, dans notre réalité, par exemple, si on venait à voir la preuve du déterminisme, peu importe, enfin, tu sais, un peu les idéaux kantiens qui permettaient l'éthique, le bonheur et tout. Si on les voyait aussi clairement. Non, mais tu sais, t'as Dieu à l'infini, que tu voyais à l'infini, qui te permettait d'avoir une conduite éthique et tout. Si, imaginons que tes idéaux soient détruits, mais qu'est-ce que t'as devant toi, quoi ? Oui. Et en gros, à mon avis, je pense que mes joueurs ont tout à fait conscience du fait que, oui, c'est pas cool d'avoir les réponses là, comme ça, données d'un coup, c'est peut-être mieux de chercher toujours. Mais ce serait tellement tentant de jouer, de jeter un petit œil à la fin, quoi. Faut bien leur faire comprendre que l'ambiguïté qu'ils ressentent là. Alors d'abord, il y a un truc très intéressant, c'est qu'encore une fois, tu rapproches le joueur et le personnage en disant ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est le joueur qui se pose des questions. Et tu vois, tu dis, comment moi, en tant que joueur, si on venait me voir dans la réalité et qu'on me proposait le choix entre le savoir et la sagesse, Miphos et Solipsis, quel choix je ferais finalement ? Et donc tu vois, ça c'est très intéressant. Profiter d'un scénar de sens, c'est aussi se poser la question en tant que joueur, cette question-là en tant que joueur. Et du coup, arrêtez de voir les personnages comme des traîtres potentiels qui vont vous trahir, etc. Ah, en fait, Solipsis, c'est un grand méchant qui va vous poignarder dans le dos. Non, Bon, non, non, réfléchissez. C'est vachement bien. Les joueurs, ils vont avoir confiance en Solipsis. Puis quand ils auront la vraie fin, que Solipsis leur poignardera le dos et tout. Voilà, c'est niqué. Ce qui est bien, c'est que Thomas entretient toujours le doute dans ce podcast. C'est excellent, c'est excellent. Merci Thomas. Agent de Mifos. Non, non, c'est pas avec un couteau, c'est avec un bolter lourd. Favi, tu voulais intervenir rapidement. Pourtant, je croyais que c'était Pierre le traître en général. Et pourtant, non. Il joue à Rameur en douce, ah wow, il l'a dit. Non. Traître, je veux bien. Mais Pierre, certainement pas. Mais Pierre, non. Non, mais moi, par exemple, Solipsis et Mifos, je n'ai pas été un grand fan de ces deux personnages. Des deux personnes. Ok, d'accord. D'aucune rune, moi, en fait. D'aucune rune, ouais. Tu parles tout à l'heure, tu m'as sorti que t'adorais Néant et Création, fuck. Non, c'est pas moi, hein. Je te jure, c'est pas moi. Hein. Non, je jure, non, mais non. Je jure, c'est pas moi. Non, non, c'est vrai. Moi. Donc, pour toi, se détacher des runes, ça fait. Alors, je te rappelle que le thème de ce podcast, c'est quand même profiter au mieux d'une partie. Oui, de sens, oui, mais tu c'est penses moi, que oui, se détacher des runes. Non, mais si, justement. Oui. Parce que toi, ça a l'air d'être le cas. C'est-à-dire, oui. Pour toi, te détacher des runes, c'est une bonne manière pour profiter du truc, quoi. Ouais. Toi, t'as pas eu besoin de t'attacher à une rune particulière. Non, moi, j'ai besoin de m'attacher aux gens qui sont autour de la table. D'accord. Donc, on en revient à ces deux propositions. Mais dans tous les cas, il faut s'attacher à quelque chose. Moi, je pense que pour quelqu'un qui est en peine de créativité, de pas savoir en tout cas où l'exercer, sa créativité, d'avoir des PNJ qui te montrent la voie, dire ouais, c'est ça, un personnage accompli de l'univers de sens, ça te donne des idées. Malgré tout, Piat, tu fais pas la grimace. Oui, malgré tout, mais... pour Anastase, t'avais des personnages. Tu savais, dans l'univers de sens, vers où tu allais. Ne serait-ce que parce que tu avais joué à la table des grands PJ, des premiers joueurs qui t'avaient montré... Ou ne pas vers qui aller, en fait, c'est ça ? Ou ne pas aller, d'ailleurs. Les ennemis, les grands ennemis combat. Mais oui, tout à fait. Se positionner par rapport aux runes, ça peut aussi vouloir dire se positionner contre elles. On est d'accord. C'est ça, le truc. Bien, Bobo, à profiter, alors. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur comment un joueur... peut-il profiter au mieux de ses parties de sens ? Est-ce que vous voyez, amener des fraises Tagada au maître de jeu juste avant. Voilà. Des bouteilles de DSP aussi. Considération technique, hein, apporter de l'eau et de la bouffe. Hein, faut pas mourir de faim, sinon vous profiterez pas de votre partie. Là, on sort légèrement du sujet. Non, j'ai bien dit pour le MJ. Surtout, hein. N'oubliez pas de faire votre lessive aussi, histoire de ne pas avoir ça à l'esprit. N'oubliez pas également d'éteindre l'aspirateur avant de sortir de chez vous. N'oubliez pas tous ces petits détails qui peuvent vous pourrir une partie de sens. Merci Flavie Garnier, ce sera une excellente conclusion. J'aime bien dire des choses qui ne servent à rien. Bah, sinon, moi j'aurais un conseil, là c'est à vous en tant que joueur, ce serait de tendre des perches des fois au MJ, de façon à dire bah, tiens, il y a tel événement qui m'a plu, tel lieu, ouais. Tel personnage, pour dire ah MJ, absolument. Moi je veux du solo pour qu'on perso il avance. Les débriefs. Post-scénar. Allez-y, s'il y a des choses ouais, qui vous plaisent. Scénar, ça se fait bien. S'il y a des choses qui vous plaisent. Inversement, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, parlez-en à votre MJ, parlez-en à votre pharmacien. Et voilà. Moi, je vois surtout résumer. Débrief. C'est aussi une des forces du jeu de sens, c'est que les joueurs, après tout, ils ont une telle puissance dans l'univers que autant qu'ils en profitent. Quoi. Ouais. Eux aussi, ils sont là pour créer le monde. Donc, faut qu'il y ait un échange avec le MJ. Sens, de façon que ça évolue. Quoi. Sens est une pièce de théâtre sur laquelle les joueurs doivent inventer leur comédie. Et finalement, le maître de jeu a ce rôle de guide de décor uniquement. Effectivement. Et on va se quitter là-dessus. À bientôt tout le monde. Hein. Et puis, merci à Shadow et à Soldevan. À bientôt. Salut.